FrenchPod.com. Allô, bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerais avoir Internet chez moi. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez une ligne fixe? Oui. Parfait. Souhaitez-vous une connexion bas débit ou haut débit? Quelle est la différence de prix? L'abonnement ADSL haut débit qui inclut Internet, le téléphone et la télévision sans limitation de durée est à 29€ par mois. Et l'autre? Sinon, vous pouvez avoir 50 heures de connexion bas débit pour 15€. La première option m'intéresse. J'aimerais m'abonner. Comment procéderait-on pour l'installation? C'est très simple. Je prendrai votre inscription et vos coordonnées par téléphone et ensuite, un de nos techniciens se rendrait chez vous dans les 3 jours. Est-ce que vous êtes libre pendant la matinée? Non, plutôt l'après-midi.